Bonjour ou bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et bienvenue dans L'Autre Football, le podcast qui s'est plus qu'à reposer, l'émission radiophonique des Globetrotters du foot. Alors pour ce 9e épisode, après cette petite pause estivale ou hivernale, selon l'hémisphère, nous allons revenir sur la Gold Cup 2017, avec laquelle nous étions quittés sur un brief un petit peu de cette Copa de Oro. Bien du coup, le mois de juillet est passé, la compétition est passée, et il est désormais temps d'en faire le débrief avec deux spécialistes de la région CONCACAF que nous avions à nos côtés lors de l'épisode présent. J'accueille Anthony de Varenne, notre nordique de Québec. Les fans de hockey apprécieront la référence, j'imagine. Comment tu vas, Anthony ? Bien, toi ? Ça va très très bien. J'accueille également le Tico Isérois de Lucarne Opposée, Grégory Chaboche. Hola Greg, comment il passe ? Ça va très bien aussi, merci à tous et heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison. Bien, bien. Alors bon, chers amis auditeurs, je vous fais une petite confession, je n'ai pas envie de vous prendre pour des bobos. Personnellement, j'étais en vacances tout le mois de juillet, et oui, et je n'ai absolument rien vu de la Gold Cup. Même si ma foi, je suis parti en vacances dans la région de la Gold Cup, mais ça c'est mes oignons, hein, n'est-ce pas ? Je ne vais pas vous montrer mes photos de vacances. Mais bref, c'est pas grave, parce que justement, on a deux spécialistes avec nous de la région qui m'ont très bien suivi, et moi, personnellement, j'ai envie de savoir ce qui s'est passé. Et à regarder les tableaux finaux de la compétition, parce que j'ai quand même jeté un œil, hein. Pas faire les choses à moitié, visiblement il s'en est passé des choses. Alors, Anto, Greg, alors déjà je vais juste rappeler un petit peu en sus ce qui s'est passé, dans le tableau final en tout cas, c'est donc les États-Unis qui remportent cette Gold Cup contre la Jamaïque, qui fait en finale un petit peu la surprise générale, sur un score de 2-1. Et justement, Greg, Anto, moi je voulais commencer par le champion, les États-Unis, qui avait initié, il me semble, une petite opération jeunesse et puis une opération locale avec Bruce Arena qui ne souhaitait que des joueurs évoluant dans la MLS. Du coup, Paris est réussi. Qu'est-ce que vous en pensez, Anthony et Greg ? Ouais, en fait, ça a vraiment été bien réussi. C'est sûr qu'ils n'ont pas été aussi incroyables que dans les qualifications pour la Coupe du Monde. Il n'y avait pas leur 11 types au début de la compétition avec notamment les absences de Michael Bradley ou José Altidore qui n'étaient pas dans la formation pour commencer. Mais on a vu que le niveau s'est quand même rehaussé quand ces deux tauliers de l'équipe américaine avec aussi Clint Dempsey sont arrivés. Il y a eu un petit peu plus de fluidité dans le milieu de jeu et je pense que ça a été une grande cause à la victoire américaine. Les 6 changements qu'on pouvait faire avec la Gold Cup, là. Je pense que ça allait vraiment. On le rappelle, dans ce format de Gold Cup, il y avait la phase de poule avec un groupe de joueurs et il y avait possibilité pour les sélections de faire des changements en arrivant à la phase de match élimination directe, donc les quarts de finale. Et donc, comme tu le dis, pour les États-Unis, le groupe était plutôt jeune avant, avec quelques espoirs, et il a été un petit peu. Il a pris en expérience avec le retour des cadres, comme tu l'as dit, Bradley, Dempsey, Altidore aussi, me semble. Oui, Altidore. Et Bruce Arena était vraiment en exploration lors de cette Gold Cup parce qu'il y a eu un total de 27 partants différents dans la formation américaine. Donc, on voit que c'était bien plus que les performances pour les États-Unis. C'était vraiment de découvrir son groupe parce que Bruce Arena est rentré, je pense, il est arrivé avec les États-Unis en janvier. Donc, il n'avait peut-être pas eu le temps de découvrir tous ses joueurs, mais là, avec cette Gold Cup-là, je pense qu'il va avoir l'esprit plus clair pour savoir son 11 de départ et son groupe pour attaquer la dernière ligne droite des qualifications de la Coupe du Monde. Ça, c'est sûr. Il a dû faire une sacrée revue d'effectifs et on parlait du coup de mission un peu jeunesse. L'un des meilleurs buteurs de cette Gold Cup, au final, c'est Jordan Morris, qui évolue où déjà, lui, Jordan Morris ? À Seattle. Il est Seattle Sounders. Et donc, Jordan Morris, parce que je vais arrêter de faire semblant d'avoir un accent américain. Jordan Morris, qui est un très jeune joueur. Je ne me souviens plus de son âge exact. 22 ans pour Jordan Morris, qui termine donc parmi les meilleurs buteurs de cette coupe. Donc ça, voilà, on parlait de mission jeunesse. C'est un joli pari, ça, Jordan Morris, pour l'avenir. 22 ans. Oui, surtout que c'est pratiquement rendu le nouveau héros national puisque c'est lui qui a marqué le but de la victoire face à la Jamaïque. Mais on voit qu'il y a un Clint Dempsey qui est avec lui au club des Sounders. On voit qu'il lui montre comment bien jouer avec l'équipe américaine et avec Seattle. Je pense que c'est vraiment un bon mentor pour Jordan Morris. Et ses exploits sont, j'allais dire, pas grâce à Clint Dempsey, là, mais il y a une grande partie qui lui revient. Lui aussi qui a fait une bonne fin de tournoi avec les États-Unis. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que quand on regarde un petit peu le parcours des États-Unis, Jordan Morris s'est un petit peu réveillé après la phase de poule et avec l'arrivée de Clint Dempsey. Donc pour toi, il y a vraiment un rapport de cause à effet avec leur complémentarité via leur cohabitation en club. Oui, je crois bien parce que Clint Dempsey, c'était une grande question à l'approche de la finale, s'il allait commencer sur le terrain ou sur le banc de touche. Et finalement, il a été un des éléments clés des Stars and Stripes et il a rentré en cours de jeu. Donc, c'est vraiment dans les 30 dernières minutes, là, il a été très important avec Jordan Morris. On voit qu'il y a une belle cohésion entre les deux joueurs. Et toi, Greg, qu'est-ce que tu en as pensé des États-Unis? Moi, écoute, j'ai pas regardé les États-Unis dans la phase de groupe, donc je peux pas m'exprimer sur la première partie des États-Unis. En revanche, je les ai vus en demi-finale contre mon Costa Rica, et clairement, c'est une équipe qui sait faire le jeu. C'est une équipe qui me paraît honnêtement un vainqueur logique. C'est pas un braquage, c'est pas volé. Le titre est largement remporté, je pense, par les USA. Après, moi, ce qui m'a un peu surpris, c'est que par rapport aux États-Unis de Klinsmann, c'est ça, c'était un sélectionneur, par rapport à ces États-Unis-là que j'avais vu à la Copa América l'an passé et les USA de Bruce Arena, j'ai trouvé quand même qu'il y avait un grand changement parce qu'ils prennent le jeu à leur compte. Alors bon, c'est vrai que le Costa Rica est un peu obligé de jouer au foot parce que sinon il se passe rien dans le match. Mais je les ai trouvés plutôt bien. José Altidore, je les ai trouvés très en jambes, très très physiques. Franchement, c'est une des révélations. Après, on connaît le génie hein, de Clint Dempsey. Je pense que pas besoin de le présenter, ou du moins plus besoin de le présenter. C'est l'éternel espoir, j'ai envie de dire. Tout le monde avait placé énormément d'espoir en lui quand il est venu en Europe. Finalement, ça s'est un peu mal passé parce que pour plein de différentes raisons. Mais oui, évidemment que ce joueur a du talent, et évidemment que les USA sont plein de talent et qui méritent cette victoire finale. Voilà, c'est peut-être le seul leader, c'est peut-être le seul taulier que tout le monde attendait au tournant parce qu'on pensait qu'ils allaient se ramasser dans cette Gold Cup, et c'est finalement lui qui apportait les attentes qu'on mettait en eux, parce que le Costa Rica et le Mexique qui étaient les favoris. On va y venir, Greg. Je sais que tu les as sur le bout de la langue. T'as envie. J'ai déjà perçu ton premier tacle sur le Costa Rica. On va y venir tout à l'heure. Je sais que ça te démange, mais je suis pas pressé. T'inquiète pas, je suis pas pressé. J'ai le temps. On attend. Mais justement, tu parlais de talent avec les États-Unis, et c'est vrai. Voilà, c'est ce qu'on dit. C'était un peu le pari de Bruce Arena, c'est-à-dire qu'on avait un petit peu peur pour les États-Unis d'un cap difficile à franchir. Clint Dempsey à 34 ans, Timo Ward à 38 ans, Bradley en a déjà 30, et Landon Donovan, voilà, on va pas refaire tous les noms, mais a pris sa retraite. On avait un petit peu peur d'un trou d'air pour les États-Unis après cette glorieuse génération qui avait fait un huitième de finale en 2010. Et d'ailleurs, London Donovan, récemment, il disait que les États-Unis, pour vraiment passer un cap, il manquait quelques joueurs d'impact à cette formation, mais qu'un jeune comme Christian Pulisic pourrait amener vraiment les États-Unis à un autre niveau, mais ça prendrait deux, trois autres joueurs au niveau de Pulisic à peu près dans 5 ans, là, quand il va être pratiquement à son apogée, d'autres joueurs comme ça pour vraiment élever le niveau américain. Oui, mais voilà, du coup, c'est très rassurant tout ça. Voilà, on avait un peu peur de ce creux de la vague pour les États-Unis, mais à l'approche de la Coupe du Monde 2018, ils sont sacrément rassurés. Quoi. On peut être optimiste pour les États-Unis pour la Coupe du Monde. Ils peuvent amener un joli groupe. Ah, vu ce qu'ils ont fait, ouais. Vu ce qu'ils ont fait à la Gold Cup, je pense que oui, on peut être optimiste. Après, il faudra voir comment évolue le schéma tactique de Bruce Arena, mais sur ce qu'il a démontré. Avec ces 23-là et en changeant, comme tu l'as dit, il me semble 7 joueurs, ça non 4. Attendez. Le maximum c'était 6. C'est 6, ouais, c'est 6. 6 joueurs. Bon, en changeant 6 joueurs après la phase de groupe, franchement, ça envoie un super message pour la team USA, c'est sûr. Ouais, c'est surtout que pour une des premières fois d'histoire, on voit que dans l'équipe américaine, il n'y a pas seulement 23 joueurs performants, on voit qu'il y a vraiment une profondeur d'effectifs, qu'il y a au moins une bonne trentaine de joueurs américains qui ont le niveau pour des grosses compétitions, là. Non, puis c'est des mecs qu'on connaît, quoi. Je veux dire, Tim Howard, Antoine dans la cage, Omar Gonzalez de Pachuca, enfin, voilà, Michael Bradley, Zardes, Altidore, Dempsey. C'est des joueurs que c'est des joueurs quand même qui ont du talent, quoi. Je veux dire, avec ils sont pas ennemis avec le ballon, quoi. Ils aiment plutôt le ballon et ça se voit sur le terrain. D'accord. Donc voilà, les États-Unis vainqueurs donc, de cette Gold Cup 2017. Et je me rappelle que lors de notre brief il y a un bon mois maintenant, voilà, on avait dit que les États-Unis devaient montrer quelque chose, devaient se rassurer. Et bah, ma foi, mission réussie. Les États-Unis qui font plus que montrer quelque chose, ils ont voilà, ils font une vraie promesse vers le futur. Alors, bravo aux Ça peut États-Unis. en finir sur Dis-moi. les USA, Simon. Ouais, moi, franchement, honnêtement, je l'avoue, hein, je les attendais vraiment pas à ce niveau-là. Je pensais vraiment pas qu'ils allaient avoir ce niveau-là, ce niveau collectif. Au contraire, même, je pensais que c'était un peu une sélection un peu affaiblie. En plus, Anthony nous l'avait décrit un peu comme une sélection qui était en doute. On se demandait même si le sélectionneur pouvait pas être mis en danger s'il faisait une mauvaise Gold Cup. Donc, vraiment, personnellement, c'est une grande surprise, c'est une belle surprise. Et clairement, il mérite la victoire finale. Et bravo donc aux États-Unis pour voilà, cette vraie compétition. Voilà, c'est une vraie belle compétition qu'ils ont réalisée. Hein, qu'ils ont réalisé. En revanche, pour l'autre mastodonte local, hein, le Mexique, ça a de nouveau été une belle déception. Et de ce que j'ai compris, ça a de nouveau été un beau bazar au niveau du turnover, notamment donc sur les changements, mais aussi sur le terrain. Alors, j'ai envie de dire, entonces, ¿qué pasó, carnales? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est sûr qu'ils sont arrivés à la Gold Cup avec une équipe B voire C, puisque les meilleurs Mexicains étaient allés à la Coupe des Confédérations. Donc, premièrement, ils sont arrivés avec un effectif plus léger. Et deuxièmement, j'ai trouvé tout au long de la compétition que le sélectionneur semblait pas se trouver un réel 11 partant. Ça changeait pratiquement à chaque match. Donc, je pense qu'il y avait vraiment manqué de stabilité et de talent dans cette équipe mexicaine. Bah, comme nous l'avait décrit un peu Nico avant le début de la compétition, clairement c'était une compétition pour faire des essais, quoi. C'était pas une compétition. Évidemment, il fallait la gagner. Évidemment, c'était l'objectif de la gagner pour le Mexique. Mais le sélectionneur s'est un peu fait plaisir dans les 23 et on sentait qu'il voulait vraiment faire de cette compétition un test, quoi, un test match. Et c'est pour ça d'ailleurs, je pense qu'on retrouve pas le même 11 dans chaque match. C'est vraiment un test match pour le sélectionneur, enfin, je pense. Et c'est pas un peu le problème avec Juan Carlos Osorio, c'est-à-dire que c'est un mec, comment dire, c'est quelqu'un qui a, on le sait, une façon de travailler très, j'ai envie de dire, universitaire, très presque scientifique. Voilà, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, hein. C'est pas un fanfaron quand même, hein. C'est un mec qui fait bien les choses. Par contre, au bout d'un moment, il fait des tests à la Coupe des Confédérations, même avec une grosse équipe. Il fait des tests pendant la Gold Cup 2017. Quand il fait pas des tests et qu'il désire vraiment gagner la compétition, comme la Copa América Centenario de 2016, il se viande littéralement. Au bout d'un moment, Osorio va falloir qu'il décide et qu'il trouve vraiment un 11. Parce que, voilà, comme je le dis, même pour la Coupe des Confédérations, où il était, comme tu le dis, Anthony, censé avoir pris la grosse équipe, il a quand même fait un peu des tests pendant les poules, voilà, et au final, ça n'a rien donné cohérent. Donc, Osorio va falloir qu'il. S'il veut rester en Ben, poste, il va falloir qu'il. on dirait qu'au final, il se cache derrière les tests et tout pour expliquer les contre-performances. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est le message entre lui et ses joueurs qui semble ne pas passer. Ses consignes semblent ne pas passer. Les joueurs semblent pas appliquer ce qu'il dit. Donc, au final, c'est dur remporter une victoire, remporter une rencontre ou même une compétition quand on dirait que les joueurs et le sélectionneur sont pas sur la même longueur d'onde. Ouais, mais enfin voilà, même de toute façon, voilà, Osorio, on parle d'Osorio, mais je ne sais pas si on va en parler longtemps, parce que si vous faites une petite revue de presse sur Internet, par exemple, vous verrez rapidement que là, la pression est au maximum sur l'entraîneur d'El Tri, et que je ne sais pas s'il va rester encore quelques semaines, ça va être compliqué. au bout d'un moment, là, je pense qu'il va avoir poussé le bouchon un petit peu trop loin, Maurice, et que notre ami Osorio va aller faire une pige ailleurs. Et par contre, voilà, je ne sais pas, voilà, ce serait le problème du Mexique, c'est-à-dire qu'il y aurait un nouveau changement d'entraîneur, le je ne sais plus combienième en quelques années, hein, depuis presque un entraîneur chaque année ou tous les 2 ans. Donc, c'est un peu compliqué pour construire quelque chose du côté des Mexicains. Et juste une c'est surtout aussi. Ben, c'est surtout que il y a à peu près 5 ans, les Mexiques étaient clairement supérieurs aux États-Unis. Mais là, les États-Unis commencent réellement à se rapprocher et même à être au même niveau que les Mexicains. Il faudrait qu'ils fassent attention à l'avenir. Là. Et une dernière question, vous qui avez regardé la compétition, du coup, parce que voilà, est-ce que le Mexique a montré les mêmes problèmes que pendant la Copa des Confédérations, c'est-à-dire quand même un certain allant offensivement, mais un total laisser-aller sur la rigueur défensive, ou c'était encore plus compliqué que ça? Ben, je dois avouer que j'ai pas regardé toutes les matchs du Mexique, là, mais je trouve que c'était vraiment les mêmes problèmes. Là. Les mêmes symptômes que pour la Copa des Confédérations. Ouais, je pense que c'est plus profond que l'on le croit. Là. Copa des Confédérations, je le dis même, je suis bloqué sur l'espagnol. Hein. Coupe des Confédérations. Et ben oui, donc le Mexique, une fois très décevant, et je crois qu'on peut dire, voilà, vraie grosse crise au Mexique, qui a, ma foi, du mal à passer ce cap, a du mal à assumer le fait que ce soit un très grand pays de football, avec un très grand championnat, avec des gens très, vraiment passionnés par ce sport, et surtout un vivier de talent énorme, et voilà, qui n'arrive tout simplement pas à passer la vitesse qu'il devrait passer. Et voilà, on les attend. Je pense qu'on les verra à la Coupe du Monde 2018, mais ça va être décevant, ça peut être décevant. Alors passons à l'approche de la Coupe du Monde, donc comme tu l'as dit, à Nantes, le sélectionneur du coup Osorio est de plus en plus menacé. Donc ben c'est très étrange, c'est très étrange ce qui est en train de se passer au Mexique, parce que ça nous fait un peu peur du coup pour la Coupe du Monde qui arrive. Alors ouais, alors après si on prend le passé, l'historique de l'équipe, il faut se rappeler qu'en 2014, à l'approche de la Coupe du Monde, je ne sais plus bien qui était l'entraîneur. Bah non, mais juste avant, justement, le Mexique était en galère, a failli ne pas se qualifier. Ils ont appelé Miguel Herrera, qui était à ce moment-là l'entraîneur de Club América, qui l'est de nouveau depuis d'ailleurs, mais pour sauver l'équipe à quelques mois hein, de la Coupe du Monde, enfin dans les dernières heures des qualifications, et pour le match de barrage, d'ailleurs, c'est un match de barrage, et il avait qualifié in extremis le Mexique pour la Coupe du Monde 2014, et du Monde 2014 que le Mexique avait abordé un petit peu de manière modeste, et finalement qui avait fait un bon parcours, et qui, je n'en démords pas, aurait dû se qualifier face aux Pays-Bas. Robin, il y a beaucoup d'équipes qui auraient dû se qualifier contre les Pays-Bas en 2014. Je ne pardonne pas celle-là, Ariane. Donc voilà pour le Mexique hein, qui déçoit encore et qu'on attend au tournant, mais voilà, c'est le Mexique qui reste un petit peu dans son bordel ambiant. Alors passons au troisième et dernier réel favori de la Gold Cup qu'on avait annoncé, qui, au grand dam de Grégory, a également déçu. Je parle bien sûr des Ticos du Costa Rica. Alors Greg, non seulement les résultats n'ont pas été là, mais en plus j'ai entendu parler de rideuse qui aurait perdu tout son côté fantasme, tout ce qui faisait l'essence de cette équipe joueuse. C'est vrai ça? Mais en fait, si tu prends le parcours du Costa Rica dans cette Gold Cup, il a pas à faire rougir personne. Il y a 2 victoires en phase de groupe face au Honduras et à la Guyane. Il y a un match nul face au Canada. Donc bon, après t'es premier tout sort de la phase de groupe avec 7 points, il y a pas grand chose à dire au niveau du parcours. Ensuite tu bats le Panama et tu tombes contre les États-Unis en demi-finale. Si tu t'en tiens au parcours, tu peux te dire bon bah le Costa Rica est à sa place et après tu tiras, bref voilà, ça peut être analysé comme ça. Sauf que si tu regardes en détail. Voilà, si tu regardes les matchs, si tu regardes en détail ce qui s'est passé, si tu regardes le jeu proposé par ce Costa Rica et par le Costa Rica d'Oscar Ramirez, il est clair que c'est le Costa Rica de 2014, mais la folie en moins, donc t'as que le côté chiant, t'as que le côté 5-4-1, donc on joue pas du tout au foot, on est bloqué dans notre moitié de terrain, on ne bouge pas, on ne propose rien, offensivement, même contre le Panama, c'est très compliqué, c'est le Panama qui fait tout le jeu, et c'est un... C'est un CSC, me semble-t-il, d'ailleurs, des Panaméens qui étaient Costa Rica. Ouais, de Hannibal Godoy en fin de match. Voilà, donc clairement, le Costa Rica, là, a déçu dans ce qu'il a proposé. Et il a déçu, même dans la phase de groupe, après la première phase de groupe, au Costa Rica, au pays, ont commencé vraiment à... La pression populaire commence déjà à monter pour demander à Ramirez. Mais joue, t'es en quart de finale, il te reste 3 matchs pour arriver au titre. Joue un peu au foot, propose quelque chose. T'as des super joueurs, Brian Ruiz. Voilà, je veux pas non plus le survendre, mais je pense qu'il a largement sa place dans toutes les sélections nord-américaines et il aurait sûrement sa place dans quelques-unes des sud-américaines et européennes. C'est un super joueur de foot. T'as Tereda qui est un super numéro 6, qui peut aussi un peu construire du jeu. Marco Sorena devant, qui peut aussi jouer ailier, mais qui est un super finisseur. Il y a plein de bons joueurs dans cette équipe du Costa Rica et on les utilise seulement pour défendre. La formation d'ailleurs du groupe des 23 est claire. Dans ton groupe des 23, tu as 9 défenseurs. Donc ça veut dire que déjà, t'envoies un sale message. Mais alors, du coup, ma question, Greg, c'est parce que voilà, on peut donc Costa Rica déçu, s'est retrouvé à jouer défensif, ouais. Qui n'était pas ce qu'on avait vu du Costa Rica vu depuis la Coupe du Monde 2014. Mais alors, moi, ma question, c'est justement, est-ce que c'est le Costa Rica qui a perdu son jeu ou est-ce que c'est aussi les autres équipes de sa région, de la CONCACAF, donc, qui ont appris à connaître le Costa Rica et qui ne le laissent plus jouer et qui le forcent à jouer de cette manière-là? Ça peut être aussi ça. Est-ce que ça peut s'expliquer comme ça ou c'est vraiment le Costa Rica qui... Non, je pense pas. Je pense que c'est vraiment le Costa Rica qui refuse le jeu, qui refuse de jouer, peut-être un peu par crainte. D'ailleurs, je sais pas trop qu'est-ce qu'il craindrait, mais je le prends un peu comme ça, comme si le Costa Rica avait une ADN défensive, alors que bon, plein de sélectionneurs qui sont passés par le Costa Rica, par l'équipe nationale, ont prouvé le contraire, ont prouvé qu'on pouvait faire du jeu avec cette sélection. Et voilà, et c'est surtout les choix d'Oscar Ramirez qui sont très très étranges. Par exemple, on parlait des changements, vous savez, les fameux changements qu'on fait après la phase de groupe. Là, par exemple, on renvoie donc de la sélection, on renvoie Christian Gamboa, donc le latéral du Celtic, Brian Oviedo, le latéral de Sunderland, Joel Campbell, qui est juste ton meilleur joueur, et Venegas de Minnesota. Et tu prends, tout cela sont repartis, ont été voilà, changés après la phase de poule. Exactement, donc tout cela ont joué la phase de groupe. Mais ils n'ont pas joué les quarts. Et tu prends pour les remplacer José Layton, donc dont on a parlé sur Twitter avec Anthony, puisqu'il vient visiblement de s'engager du côté de Minnesota, si je ne dis pas de bêtises, en prêt. Ouais, c'est ça. Voilà. Tu le prends lui. Tu prends Jimmy Marin d'Herediano, donc qui a fait la Coupe du Monde des U20 du côté de la Corée du Sud. Tu prends Orden d'Herediano également. Et tu prends Kendall Watson qui est à Vancouver. Donc voilà, tu perds évidemment en qualité, tu perds en qualité et clairement tu envoies un message, et ben voilà, j'enlève la qualité, je vais bétonner, je vais rien faire. Et voilà, c'est un peu le sale message qu'est en train d'envoyer en ce moment Oscar Ramirez. Alors après, bon, le peuple costaricien a décidé de prendre un peu à Marco Sorena. Mais sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que Marco Sorena, c'est le seul attaquant de ce Costa Rica qui joue à 50 mètres du but adverse, qui est obligé de faire le pressing sur les deux défenseurs centraux, voire même sur les latéraux. Donc le pauvre, moi je le plains même, parce que c'est vraiment une tannée de jouer dans cette équipe du Costa Rica quand t'es numéro 9. Tu n'as aucun ballon tout le match, et quand tu les as, tu viens déjà de courir 50 mètres pour récupérer tout le terrain, et on te demande encore d'avoir le sang-froid pour finir. C'est juste impossible. Et je pense que Marco Sorena, avec derrière lui une équipe qui fait le jeu, qui propose quelque chose, qui a le ballon, ou même qui joue en attaque rapide ou en attaque placée, peu importe, Marco Sorena pourrait être un super buteur. Sauf que là, ce qu'on lui demande, c'est juste un... D'ailleurs, il vient de marquer la semaine dernière avec San Jose en MLS. Ah ouais. Ah ouais, c'est un bon buteur. Bah oui, non, mais clairement, c'est un bon buteur. Et puis tous ces joueurs-là, c'est des bons joueurs qui pourraient jouer et qui le prouvent tous les week-ends en MLS devant les yeux de d'Anthony, qui peuvent jouer au foot, qui sont vraiment des joueurs de foot. Et ces joueurs-là, on les bribe dans un travail défensif d'une pas intéressant pour eux. Ils doivent pas prendre leurs pieds quand ils jouent avec l'équipe nationale. Donc voilà, c'est juste en fait, tout le monde se fait chier. Le public se fait chier. Les joueurs se font chier à jouer, donc Greg, on va te donner un Lexomil parce que là on sent que tu vas casser quelque chose chez toi là. C'est le furieux. Mon grand problème, c'est que je suis fan de Bielsa et mes deux sélections, que ce soit l'équipe de France ou le Costa Rica, sont des équipes qui jouent et qui ont une ADN de fermer le jeu. Et ça, c'est très, très, très, très, très frustrant, je vais dire. Et c'est surtout que le Costa Rica, en jouant de belle façon, ça aurait pu être une très belle affiche là, face aux États-Unis. Et oui, je pense qu'il aurait pu avoir l'opportunité de remporter la rencontre, puisque en jouant mieux, faut pas oublier que le premier but est seulement arrivé à la 70e minute, là, donc avec une plus grande ambition offensive, avec un meilleur réalisme de Urania, même si, comme tu viens de l'expliquer, c'était pas évident de tout le temps jouer à 50 mètres du but et tout. Mais je crois que Oscar Ramirez, avec c'est sûr, il aurait fallu un match exceptionnel, un excellent match, mais ouais, je crois qu'il avait vraiment pu avoir au moins un meilleur résultat. Tu sais, c'est pas grave perdre, mais c'est perdre en fermant le jeu, il y a aucune conclusion à porter à ça. Là. Bah oui, c'est même totalement. Enfin, tu peux nourrir que des regrets, quoi, parce que tu prends le dernier but à intervalle de la fin, comme tu l'as dit, 72e minute, tu prends le but. Tu t'es dit, mais dans ce cas-là, tu as fait quoi pendant 75 minutes? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as proposé? Et là, tu te rends compte que tu n'as rien proposé et que cette équipe des USA, malgré sa bonne goal cap, hein, je ne dis pas le contraire, hein, la team USA a fait sa compétition, il mérite de gagner, etc. Mais je suis sûr et certain que si le Costa Rica s'était un peu bougé dans le jeu, avait proposé quelque chose, ils auraient pu mettre au moins un but à ces USA-là. Ils auraient pu au moins mettre un but à cette équipe de. J'en suis convaincu. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus frustrant, c'est parce que tu te dis, voilà, quoi, tu pourrais marquer au moins un but, tu pourrais faire douter ces USA-là, et au final, non, tu rends ce match ennuyeux, tu ne fais rien, tu es un bloc compact à 50 mètres, dans sa moitié de terrain, devant sa surface, qui ne bouge pas, voilà, qui est attentiste, qui attend juste de placer un contre et de lancer ses ailiers. Moi, franchement, je pense que tu peux juste nourrir des regrets quand tu vois ce Costa Rica-là. Et tu peux. J'ai une seule envie. C'est triste de le dire, hein, parce qu'au Costa Rica, c'est vraiment quelqu'un de très important, Oscar Ramirez. Mais c'est un peu comme avec Didier Deschamps en équipe de France, quoi. T'as une seule envie, c'est qu'il se fasse virer, parce que tu sais très bien qu'il pourra pas changer sa façon de voir le foot. Tu sais très bien que sa façon de voir le foot, elle est passéiste, elle est dépassée. Et que malheureusement, la seule façon de voir ton équipe nationale jouer autrement, c'est qu'il y a un changement de sélectionneur. Alors après, c'est vrai que le changement de sélectionneur en ce moment, la Fédé costaricienne en a un peu exagéré entre Paulo Wanchope et tout ça. Mais malheureusement, je pense que si le Costa Rica continue sur ce rythme-là, il peut être très, très en danger à la Coupe du Monde, voire même ne pas y aller. Ouais, et surtout quand on voit les performances qu'ils avaient faites lors de la Coupe du Monde 2014, ça donne pratiquement le goût de pleurer quand on voit la Gold Cup qu'ils ont fait cette année. Là, c'est vraiment deux équipes complètement différentes. Ah ben c'est clair. Non, mais t'as raison. Tu as limite envie de pleurer. Non, mais t'as raison. Hein, parce que tu te dis, bon, en 2014, je pense qu'on ne se rend pas compte de ce que fait le Costa Rica quand même. Hein. Le Costa Rica bat l'Italie, passe devant l'Italie, l'Uruguay et l'Angleterre dans sa phase de groupe. On annonçait donc le groupe de la mort, et le Costa Rica finit premier de ce groupe-là en battant de mémoire, me semble-t-il, l'Uruguay et l'Italie en faisant nul contre les Anglais. C'est juste une phase de groupe monstrueuse qu'a proposé le Costa Rica. Ensuite, tu vas éliminer la Grèce au bêtises. Oui, au penalty avec Oumania qui marque le penalty vainqueur. Et ensuite, tu tombes face aux Pays-Bas au penalty également, avec le magnifique coup tactique de Van Gaal qui sort son gardien pour faire rentrer Tim Krul. On ne se rend pas compte de l'exploit qu'avait fait le Costa Rica à ce moment-là, et ça a annoncé des super jours pour la sélection. Et là, bah, malheureusement, le travail d'Oscar Ramirez est un peu en train de tuer tout ce qui avait fait Pinto. Tu peux malheureusement que nourrir des regrets. Et plus le temps passe, et de plus en plus, j'ai l'impression que Costa Rica ressemble un peu à l'équipe de France, malheureusement. Et donc, Greg, moi, je voulais te demander, est-ce que le problème du... s'ils n'ont pas réussi à jouer le Costa Rica, est-ce que le problème n'est pas aussi qu'ils auraient eu du mal à assumer le fait d'être un favori, ce qui est un peu inédit dans leur histoire? C'était un peu la première fois que le Costa Rica était considéré comme un vrai favori de la compétition. Est-ce que ça, c'est pas un problème, ça a pas été un problème pour est-ce que ça les a pas Dis-moi. Ta question, elle est compliquée parce que quand tu joues le premier match contre le Honduras, tu te dis, ben oui, effectivement, là, t'es favori, donc on t'attend un peu au tournant, savoir comment tu vas gérer ça. Tu gagnes petitement 1-0, toujours avec ton équipe très défensive. Ensuite, le Canada, tu te fais un peu surprendre par le Canada, mais tu vas taper la Guyane très fortement, tu reçois le Panama. Je veux dire, t'as pas affronté non plus que des cadors, quoi. T'as affronté des petites équipes, et même contre ces petites équipes, le Costa Rica n'arrivait pas à prendre le jeu à son compte. Donc après, je veux bien qu'on essaie de trouver un peu des excuses à Oscar Ramirez, qu'il était le favori, que c'est jamais arrivé au Costa Rica dans son histoire, que les équipes d'en face étaient soit en reconstruction, soit avaient changé son sélectionneur il y a pas longtemps, donc ils n'étaient pas en forme, donc c'était vraiment le seul club qui était le seul pays pardon qui était favori. On peut essayer de d'analyser cet échec sous tous ses angles et un peu dédouaner Oscar Ramirez, mais malheureusement on ne peut pas, parce que quand tu as Canada, Guyane et Honduras, et tu proposes la même chose contre ces petites sélections, j'ai rien contre eux, mais il faut évidemment dire que c'est des petites sélections, quand tu proposes le même jeu face à ces petites sélections que face aux États-Unis, c'est pas possible. Honnêtement, quand tu vois le 11, les 23 que tu as, mais tu dois proposer plus de jeux. David Guzman, Anthony doit le connaître bien puisqu'il joue MLS. À Parkland. Enfin, c'est un joueur de foot. C'est un joueur de foot, clairement. Brian Ruiz, c'est un super joueur également. Wallace, qui joue à New York City, c'est aussi un bon joueur. Enfin, tu as des bons joueurs et malheureusement, tu les brides à un jeu défensif. Et finalement, voilà, c'est des regrets, en fait. En fait, dans cette équipe du Costa Rica, tu n'as que des regrets par rapport à son passé. Du coup, c'est quoi la suite pour Oscar Ramirez? Tu dis qu'il y a eu énormément de pression au Costa Rica. Est-ce que Oscar Ramirez va rester en poste? Est-ce qu'on va il va continuer la mission qualification pour la Coupe du Monde 2018, ou est-ce qu'il va y avoir un changement? Mais en fait, plus le temps passe, et vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment plus le temps passe et plus je fais un parallèle, et il me semble très très intéressant le parallèle entre l'équipe nationale du Costa Rica et l'équipe nationale de l'équipe de France. Alors oui, il n'y a pas le même potentiel, si on est d'accord, mais au niveau de ce qui se passe dans le pays et même au niveau de la Fédé, etc., c'est-à-dire que la Fédé donne totale confiance en Oscar Ramirez. Le président a fait une sortie juste après la phase de poule en disant « totale confiance en notre sélectionneur, s'il ne bougera pas, il ne sera pas remis en question », alors que clairement les médias, la pression populaire n'est pas du tout d'accord avec ça, et eux veulent un changement de sélectionneur le plus rapidement possible, mais il est clair qu'on ne l'aura pas. Alors là, en ce moment, les médias et le peuple costaricien est en train un peu de prier pour qu'Oscar Ramirez ait compris la leçon et du coup change un peu sa philosophie de jeu, mais entre nous, ça me paraît presque improbable. D'accord, donc tout n'est pas à l'optimiste pour le Costa Rica, qu'on devrait probablement quand même retrouver à la Coupe du Monde 2018 quand même, ils vont se qualifier quand même. Si t'es pas en Russie, là oui, effectivement, je pense qu'Oscar Ramirez va aller voir ailleurs. Hein. Si le Costa Rica fait pas la Coupe du Monde 2018, je pense que ça va plus que gronder même au pays. Hein. Donc normalement, oui, le Costa Rica devrait y aller au détriment du Panama ou des États-Unis, ça faut voir encore. Mais normalement, on devrait retrouver cette équipe de Ticos à la Coupe du Monde. Bon. Heureusement, il n'y a pas eu des déceptions dans cette World Cup, hein, parce que là, on vient d'enchaîner le Mexique et le Costa Rica, c'est un peu déprimant. Il y a aussi eu de belles surprises. Alors, avant de parler de ton cher Canada, Anthony, on va quand même rendre hommage aux finalistes. Donc, j'aimerais toucher un petit mot de la Jamaïque, qui s'est hissée en finale à la surprise générale. Hein, on va être honnête, on ne les avait pas du tout vus à ce niveau-là de la compète. Au moins dans notre brief, notre première émission sur la Gold Cup il y a un mois. Donc, les gars, qu'est-ce qui s'est passé avec la Jamaïque? Quelle a été leur recette pour arriver jusque-là? Eh bien, moi, j'ai trouvé qu'il était vraiment très solide défensivement. Il n'avait pas peur d'encaisser les attaques des autres équipes. Comme en finale face aux États-Unis, ont beaucoup été. Au fond de leur territoire, ont encaissé. Ça a failli passer. Et depuis deux Gold Cup, la Jamaïque devient pratiquement dans le top 4 des sélections de la CONCACAF, puisque ça fait deux finales de suite. Et sur cette compétition, il a quand même fallu qu'ils battent le Mexique, même s'ils ont déçu le Mexique, là, mais il a vraiment fallu qu'ils élèvent leur jeu, la Jamaïque. Et je pense que le sélectionneur Theodore Whitmore Comme il l'a dit en entrevue, le futur est plein d'espoir pour la Jamaïque. Et pourquoi pas un jour aller à la Coupe du Monde? Je crois que cette équipe-là, présentement, aurait le niveau. Et c'est dommage de voir qu'ils ont été éliminés pour les qualifications. C'est une équipe quand même intéressante à regarder. Ils font, comme j'ai dit, un très bon travail défensif. D'ailleurs, c'est pas pour rien que dans le 11, le meilleur 11 de la CONCACAF, il y a les trois joueurs de la Jamaïque, ça soit trois joueurs défensifs tels que Andrew Blake, Lawrence et Jermaine Taylor qui sont en MLS. Et dans ce fameux 11 de la compétition, je précise qu'il n'y a aucun costaricien alors qu'ils ont fait demi-finale. Donc ça vous donne un peu une image de ce qu'a fait l'équipe lors de la compétition. Mais ouais, pour parler de la Jamaïque. Je pense que tu seras d'accord avec moi, Anthony, pour dire que c'est vraiment une sélection de compétition, quoi. Ils peuvent pas perdurer, je pense, sur ce système de jeu. Mais oui, quand t'es dans un tournoi avec trois matchs et ensuite des éliminations directes, c'est vraiment l'équipe pour faire le tournoi, quoi. Ça blinde derrière, ça fait des petits coups, ça marque des buts, et ensuite on bloque derrière. Après, c'est vrai que leur tirage a été plutôt sympa puisqu'ils ont pris le Canada en quart, donc ça leur a permis d'aller en demi. Et en demi, ils ont fait le braquage parfait, quoi, contre le Mexique. Et après, évidemment, ils s'écroulent évidemment en finale contre meilleur que eux. Mais c'est vrai que pour moi, c'est vraiment une équipe de compétition, quoi. Ça peut pas. Donc, si je résume pour la Jamaïque, ouais, voilà. Si je résume pour la Jamaïque, c'est un groupe qui a fait une compétition sérieuse, rigoureuse, qui ont été solidaires. Et qui ont puisé leur force dans cet esprit d'équipe et cette rigueur athlétique et défensive. Mais pour vous, ça va être compliqué. Ça peut être retombé. Voilà, le soufflet peut retomber par la suite. Et rien n'est dit que cette performance est une preuve d'un beau futur pour la Jamaïque. Bah après, de toute façon, déjà, ils sont pas dans les 6 pour se qualifier à la Coupe du Monde. Donc déjà, ça te prouve un peu ce qu'on dit, c'est que sur le long terme, ça devient compliqué quand tu essaies de jouer comme ça. Ben, pour un point, ça peut passer, mais effectivement, ça fait déjà deux éditions, comme l'a dit Anthony, qui font finale. Ça veut dire que ça travaille bien, qu'ils sont à chaque fois prêts quand la Gold Cup commence. Et pourquoi pas un jour faire le braquage complet, quoi, et gagner le tournoi, ça peut être possible. Ouais. Mais ouais, bon, bah, quand vous parlez de Jamaïque et de Coupe du Monde, si je me rappelle un peu de vos âges, vous étiez probablement jeune, voire pas né. Voilà, moi, j'avais 10 ans au moment de la Coupe du Monde 98, donc ça ne peut que me faire sourire parce que la Jamaïque à la Coupe du Monde 98, c'était l'équipe exotique, on va le dire, on va sortir le mot, Anthony, c'était l'équipe exotique de la compétition, c'était l'équipe que tout le monde était surpris de voir là, c'était petit coup de fraîcheur avec des mecs, je crois, Burton, un truc comme ça. Ils avaient été dans la poule de l'Argentine, le Japon et la Croatie, si je ne me trompe pas. Et ils avaient fini bon dernier, je crois. Ou alors ils avaient battu le Japon, ils avaient fini troisième. Enfin bref, voilà Jamaïque, ça me fera toujours du coup sourire. Et d'ailleurs, cette Jamaïque 98, les collectionneurs de maillots la connaissent très bien parce que je vous envoie vous allez regarder ça sur Google, vous tapez maillot de la Jamaïque, Coupe du Monde 98, c'est un maillot collector, quoi. Franchement, celui-là, il faut l'avoir. Je ne l'ai pas encore trouvé, mais celui-là, si vous dégotez quelque part, il ne faut pas le louper, il est assez génial. Et puis bien sûr, petite réflexion un peu macho, et ceux qui se souviennent des images de la Jamaïque à la Coupe du Monde 98 se souviendront aussi de leur supportrice en tribune. Vous allez regarder ça sur Google Images. Quand on parle de la Jamaïque, à chaque fois je pense à Rasta Rocket, alors je sais pas si c'est que moi, mais à chaque fois ça me fait ça. Alors la Jamaïque, il y a plein de trucs la Jamaïque, il y a aussi Bob Marley, il y a la Vague. Ouais. Et c'est pas pour rien qu'on les appelle les Reggae Boys. Les Reggae Boys. Ah, c'est le vrai surnom de... Ça, je savais pas. Le surnom de l'équipe de foot jamaïcaine, ce sont les Reggae Boys. Ouais. Les Reggae Boys. D'accord. Pas mal. Et vas-y. Mais pour revenir au jeu de la Jamaïque, je trouve que l'évolution de la sélection passe vraiment avec l'évolution de la MLS. Plusieurs joueurs de la Jamaïque, ben le noyau de joueurs de la Jamaïque, C'est une dizaine. Hein, évolue en MLS ou même en D2 américaine, la USL ou la NASL. Donc, je crois que en fonction de l'évolution de la MLS, la Jamaïque peut seulement s'améliorer. Là. Oui, ça c'est intéressant. Donc pour toi, le fait qu'une équipe un peu basique de la région, hein, ni bonne ni nulle, comme la Jamaïque, si elle progresse un petit peu comme ça, c'est aussi une preuve de la progression de la MLS, puisque tous la plupart de ces joueurs évoluent dans ce championnat, c'est ça? Ben, les meilleurs joueurs de la Jamaïque évoluent en MLS. Comme j'ai dit plus tôt, les trois joueurs qui font partie du numéro 11 de la compétition, c'est des joueurs qui évoluent en MLS. D'accord. Bah, maintenant, Anto, tu parles de MLS. Alors, la MLS qui comprend le Canada. Alors, allons-y, Anthony. Je sais que ça te fait cœur aussi. Parlons de ce bûcheron-là. Tu avais annoncé un Canada frais et ambitieux. Et apparemment, on a vu un Canada frais et ambitieux. Alors, t'es satisfait de ta sélection? Mais oui. Vraiment, Octavio Zambrano, clairement une autre mentalité que l'ancien sélectionneur Benito Floro, parce que le Canada n'est tout simplement pas le même. Auparavant, le Canada défendait très bas et encaissait beaucoup. D'ailleurs, lors de cette compétition, ça a été le premier but marqué depuis 2011 dans la Gold Cup et un premier quart de finale depuis 2009. Zambrano a vraiment amené un nouvel état d'esprit offensif. C'est un Canada qui attaquait beaucoup. N'hésitait pas à mettre le pied sur le ballon comme face à la Jamaïque, même dans la défaite. Il y a eu un total de 61% de possession. C'est sûr que le Canada tirait de l'arrière 2-0, donc il mettait beaucoup de pression sur la Jamaïque qui n'hésitait pas d'encaisser. Était très solide défensivement. Mais c'est vraiment très positif, surtout pour l'avenir. Si des joueurs comme Atiba Hutchinson reviennent en sélection, que des Alphonso Davies qui a épaté la galerie, on a encore meilleur buteur. Il termine voilà, avec Jamie Morris. Jim Morris, n'importe quoi, moi. Avec Jordan. Avec Jordan Morris, je confonds avec le chanteur de The Doors. Oui, avec Jordan Morris, Alphonso Davies a, comme tu dis, terminé meilleur buteur de la compétition avec 3 buts. À égalité, je le précise rapidement, avec Kevin Parsemin de la Martinique. Ouais, de la Martinique. On touchera un mot après. Donc, Alphonso Davies, 16 ans. Ouais. Mais même, regarde, pour jouer, Piet, 22 ans, Petrasso, 22 ans, c'est Cavallini, 24 ans, Adekoube, 22 ans. Voilà, il y a de la jeunesse dans cette équipe et du coup, du talent, quoi. Enfin, ça peut être sympa. Ouais, ben, je serais pas surpris que ça soit une des plus jeunes équipes du tournoi. Et pour revenir à Alphonso Davies, il a été nommé meilleur espoir de la compétition avec des excellents jeunes dans toutes les sélections comme un Jordan Morris avec les États-Unis. Donc ça prouve la qualité canadienne. J'allais dire pour la formation, on n'est pas rendu là. il y a 2-3 bons espoirs qui sortent, mais comme Carl Irene ou Balou Tabla. D'ailleurs, Balou Tabla aurait fait un excellent trio offensif avec Alphonso Davies, Lucas Cavallini ou Carl Irene et Balou Tabla aurait pu s'ajouter à ce trio offensif. Ça aurait été magnifique. Balou Tabla qui, hors Gold Cup, serait prêt de signer à Valenciennes, c'est ça? La rumeur s'est assouplie depuis aujourd'hui, là, mais d'ailleurs, il revenait à l'entraînement. Là, un petit peu la fin de cette controverse. Mais pour revenir au Canada, ouais, la crise est finie. Pour revenir au Canada, c'est sûr, c'est pas parfait. Et les points améliorés, ça serait, je trouve, améliorer la cohésion dans le collectif, rajouter de la chimie. Mais c'est normal parce que plusieurs joueurs étaient à leur début ou à leur retour dans la sélection. C'est sûr que pour l'avenir, prendre souvent le même groupe de joueurs pour créer une chimie avec la sélection. Mais je pense que ça reste à venir. C'est parce que Zambrano, tu disais un total de 21 joueurs dans la compétition et il n'a même pas sélectionné de bons joueurs comme Will Johnson à Orlando ou Teshua Kindele à Dallas, même si lui, il commence à s'éloigner du Canada quand on voit que des Anthony Jackson Hamel, Carl Irene et Lucas Cavallini produisent quand même bien avec le Canada. C'est sûr que Carl Irene, c'est un petit peu en dessous que sa production MLS, mais il est encore jeune. Bref, il connaît mieux les joueurs qui sont à sa disposition. Lui qui avait eu seulement un match amical avant la Gold Cup. Donc, c'était en plus de bien performer, le Canada a pu, et Zambrano a pu vraiment connaître mieux ses joueurs. Mais surtout, moi, un point que j'aimerais voir changer, c'est les défenseurs centraux. J'aimerais ça avoir des défenseurs centraux un petit peu plus jeunes et plus mobiles. Parce que Jakovic, qui joue en NASL ou en USL, et Vitoria, qui joue dans les championnats d'Europe de l'Est, je pense que ça n'a pas le niveau pour une grosse compétition. Et un renouveau serait favorable avec, par exemple, un David Edgard, qui était malheureusement blessé pour cette compétition, qui joue à Vancouver, ou un Donald Henry, qui joue, lui, en Angleterre. Aux dernières nouvelles, il appartenait à West Ham et est prêté. C'est à peu près ça pour le Canada. Je ne sais pas si vous avez des choses oui, à dire. Oui, c'est ce que j'ai. En fait, j'étais en train de regarder le classement pour me souvenir des éliminatoires pour la Coupe du Monde. Et le Canada n'y est pas, donc c'est raté pour 2018. Non. Tu peux vraiment, selon toi, il y a vraiment de l'espoir à avoir pour les voir s'inviter dans cette lutte pour la qualification de la Coupe du Monde 2022 et éventuellement faire quelque chose. Ça serait déjà une avancée de au moins être dans le dernier tour qualificatif, là, le X, comme on appelle, là, ça serait déjà une bonne nouvelle. Il leur manque, voilà. Et donc, du coup, il leur manque, comme tu le dis, un petit peu de travail ensemble, un peu d'osmose. Et du coup, voilà, un peu d'osmose, un peu d'harmonie dans le jeu pour vraiment arriver à être compétitif au moins dans leur région. Exactement. Moi, si je peux ajouter un petit mot sur le Canada, parce qu'effectivement, je les ai vus jouer contre le Costa Rica, puisqu'ils étaient dans le même groupe. Donc, je rappelle au passage hein, que le Canada a inscrit dans la compétition en tout 6 buts, donc comme le Costa Rica. Alors que le Costa Rica est quand même allé en demi-finale et pas le Canada, ça s'est fait. Et ensuite, également, dire que plutôt agréablement, parce qu'ils ont proposé quand même, parce que c'était pas que fermé non plus, ils n'ont pas fermé la boutique totalement, le Canada, hein, on peut le dire, je pense. Et en voyant finalement un peu les équipes, les clubs dans lesquels jouent la plupart des joueurs du Canada, tu te rends compte que finalement, il y a une petite anglaise. Ouais, voilà, c'est soit Vancouver, soit Toronto pour la plupart. Il y a un peu de Montréal également. Il y a de la Ligue 2 anglaise avec les Queen's Park et Burnley, par exemple, et avec Brighton Albion également. Donc, il n'y a pas non plus que des mauvais joueurs dans cette sélection. Et j'ai une question pour toi, Anthony. Est-ce que tu ne penses pas que finalement, il faut tout simplement un peu de stabilité pour le sélectionneur pour poser son projet sur peut-être une phase de Coupe du Monde, une phase de qualification, quelque chose comme 4 voire à 8 ans, avec garder le même sélectionneur pour qu'il puisse vraiment travailler sur le long terme et faire un groupe pour changer les choses, quoi, pour tenter quelque chose et pour faire une grosse, pas forcément une très grosse sélection, mais pour au moins être compétitif sur son continent, quoi. Ben, c'est sûr, ça prend de la stabilité parce que le groupe, depuis quelques années, est constamment changé. Benito Floro, la Fédération canadienne trouvait qu'il faisait pas l'affaire et ils l'ont limogé. Mais pourquoi? Mais quand il y a un nouveau, c'est que le Canada n'arrivait tout simplement pas. Il offrait aucun jeu offensif. Le Canada avait quand même une mentalité de dominer, là. C'était vraiment, il y avait une mentalité complètement défensive. Arrivait pratiquement sur le terrain en se disant qu'ils allaient perdre. Et on voit qu'avec Octavio Zambrano, c'est complètement l'inverse. Il veut vraiment offrir du jeu. Ah oui, les Canadiens semblent beaucoup plus confiants. Mais c'est vrai qu'il y a un joueur comme Scott Arfield, qui est venu récemment avec le Canada. C'est un Écossais binationaux qui a décidé de jouer pour le Canada finalement. Fait du très grand bien là, à cette formation. Ma foi. Je voyais notre ami Pierre Gerbeau, qui notre ami colombien, hein, qui suit le championnat colombien, qui écoute l'émission de son côté, nous rappelait que Osorio donc a été l'assistant de Zambrano au Metro Star. Donc, question stabilité, j'espère qu'il n'a pas appris, qu'Osorio n'a pas appris de Zambrano, parce que sinon, la stabilité va être dure à trouver du côté du Canada. Dis-moi. L'envie d'Osorio de déséquilibrer un peu son équipe vers l'avant, si Zambrano avait la même idée avec le Canada, je pense que ça peut marcher dans ce genre de sélection où on n'attend pas beaucoup d'elle. Si elle propose un jeu offensif, et très risqué, donc porté très sur le plan offensif et très équilibré vers l'avant. Je pense que ça peut marcher avec des petites sélections comme le Canada ou même, on le voit avec le Panama un peu, qui joue un peu comme ça. Et je pense que des petites équipes comme ça peuvent tirer profit de ce jeu, pas forcément kamikaze, hein, c'est pas l'idée, hein, mais un peu déséquilibré vers l'avant. Je pense que ça peut faire du bien à une sélection comme le Canada. Et si Zambrano avait cette idée-là, je pense que ça pourrait marcher sur les années à venir. Mais pas du coup très bonne compétition du Canada donc et Ouais. voilà qui est pleine d'espoir voilà qui donne on l'avait annoncé on s'est pas trompé enfin, tu l'avais annoncé Anthony et tu ne t'es pas trompé Oui. le Canada a montré quelque chose de très sympathique et donne beaucoup d'espoir pour la suite. Tu voulais dire un dernier mot? Oui, c'est surtout qu'avec cette belle performance, le Canada devrait atteindre le top 100 pour une première fois depuis très longtemps. Juste Top 100 ça, FIFA. au classement FIFA. Ça pourrait être une sorte de déblocage mental pour les joueurs. On ne sait pas. Et au passage, du coup, ils ont fait un peu tomber la hache dans la crise, hein, puisque du coup, le Honduras n'a pas passé le premier tour, et c'est quand même un coup d'arrêt pour le Honduras. Eh ben, Oui, parce qu'il j'allais parler de ces Ah. autres sélections-là. Tu dis que le Honduras n'a pas passé le premier tour et tu te trompes ils sont arrivés en quart de finale. Mais justement, voilà, on va passer maintenant, on va finir un petit peu sur le reste de la compétition, le reste des équipes. Donc le Honduras est arrivé en quart de finale. J'ai envie de dire que c'est à peu près normal, que c'est à peu près sa place dans la région. Que le Panama, même si parfois il fait mieux, que le Panama est arrivé en quart de finale. Et ça, on les avait annoncés un petit peu. Enfin, c'est une des équipes qu'on aimait bien à la rédaction de Lucarne Opposée, que même s'ils sont éliminés par son Costa Rica, ils ont quand même apparemment montré de belles choses. Et le Salvador aussi. Par les États-Unis, t'arrives en En quart de même temps. finale. Parmi ces trois-là, messieurs, alors quels sont vos coups de cœur? Panama, Salvador, Honduras? Ah, Panama. Panama, clairement, Panama. Le Comme Panama annoncé, mérite donc. d'aller plus loin. Ils ne doivent pas s'arrêter face au Costa Rica, avec peut-être un meilleur joueur devant, même deux, trois meilleurs joueurs devant, un peu plus de réussite offensivement. Et ils peuvent mettre le Costa Rica en danger, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le Costa Rica s'est qualifié sur un but contre son camp. Donc c'est sûr que le Panama déjà régale en qualification pour la Coupe du Monde. Donc là clairement ils ont assuré. Après je pense qu'on peut pas leur reprocher d'avoir été éliminés en quart de finale, parce qu'ils ont, je pense, tout donné. Et vraiment c'est une équipe à suivre. Si vous avez l'occasion, chers auditeurs, de tomber sur un match du Panama, ouais, qui est souvent diffusé, hein, dans les horaires regardables, ce qu'on appelle les horaires regardables, c'est-à-dire 22 h à peu près, Pour la France. à l'international, alors française évidemment. Vous pouvez, oui, je vous engage à regarder. C'est vraiment sympa, c'est vraiment un jeu un peu porté vers l'offensif, et c'est bien, et ça fait du bien, clairement. Ben, c'est surtout que face au Costa Rica, sans de belles arrêts du gardien Patrick Pemberton, je sais pas si je le dis bien, Ça. avec un petit peu plus de réalisme, je pense que ça l'aurait passé pour le Panama, là. Surtout que le seul but qu'ils ont encaissé lors de ce match, c'est un contre son camp de Ouais. Hannibal Godoy. Sur ce match, je dis pas en globalité, mais sur ce match, les deux équipes m'ont vraiment semblé du même niveau. C'est sûr, mais je pense que le Panama qui a plus joué au foot, méritait peut-être un peu plus de sa qualification. Après, vous allez me dire, le mérite dans le foot, évidemment, ça n'existe pas. Mais par rapport à ce qu'ils ont proposé sur le terrain, j'avoue que le Panama peut avoir un peu des regrets au niveau de sa finition, parce que il mérite vraiment d'accéder à la demi-finale. Et je pense qu'ils auraient vraiment bougé l'équipe des USA, par contre, le Panama, parce que c'est vraiment une équipe qui peut te déstabiliser sur même 45 minutes, parce qu'elle produit du jeu. Et forcément, tu t'attends pas forcément à ce qu'elle produise ce jeu-là, donc tu peux être un peu déstabilisé. Mais ils sont toujours en course, hein, le Panama, pour se qualifier pour la Coupe du Monde Bien sûr, 2018. Et bien sûr. Oui, je pense. j'aimerais vraiment que le monde voit cette équipe jouer au foot, même si elle prendrait sûrement des volées, parce qu'elle serait chapeau 4 ou chapeau 3. Et du coup, ça serait compliqué pour elle. Elle tomberait, je pense, dans un très grand Chapeau groupe. 4, chapeau 3, mais toi tu écoutes trop RMC, mon ami. Pourquoi? Là, avec leur nouvelle mode des chapeaux, de faire les chapeaux là avec les joueurs. Et j'ai vraiment envie que le monde voie cette équipe du Panama jouer, parce que elle peut surprendre plus d'une personne. Et elle peut Dis-nous, régaler Anthony. plus d'une personne. Greg disait que que le Panama contre les États-Unis, ça serait une belle opposition. Et d'ailleurs, ils se sont affrontés lors de la Gold Cup en phase de groupe. Et ça l'avait le match avait s'était conclu sur un score de 1-1, comme dans les éliminatoires le 28 mars dernier. Là. Donc, on sent que les États-Unis face au Panama, c'est tout le temps plus compliqué que ça en a l'air. Là. D'accord. Et de Panama, donc, une équipe voilà, qu'on avait annoncé... annoncé sympathique, qui a été très sympathique et qu'on attend au tournant, plutôt qu'on attend avec impatience peut-être pour la Coupe du Monde, un petit exploit, une nouvelle petite équipe à suivre à la Coupe du Monde. C'est toujours sympa d'avoir des petits poussets comme ça, surtout quand ils montrent ce que montre le Panama dans le jeu. Eh bien, voilà, comme je l'ai dit, dans les quarts de finale, il y avait aussi le Honduras et le Salvador. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ces deux équipes? Le Honduras, c'est plutôt un habitué des quarts de finale, voire des finales, semi-finales de la Copa de Oro, mais le Salvador un peu moins, ou c'est un peu plus irrégulier en tout cas. Donc, quid En fait, moi, pour le Honduras, je trouve qu'ils m'ont déçu lors de cette compétition. Même s'ils ont fait un quart de finale comme à l'habitude, mais ça a été dur d'encaisser très rapidement face au Mexique, mais durant toute la compétition, ils ont marqué un total de 3 buts, et ces 3 buts-là ont été causés par le forfait de la Guyane française, donc ils ont réellement marqué 0 but. Durant toute la compétition, ils ont manqué de réalisme, et j'ai vraiment été déçu par le duo d'attaque du Dynamo de Houston, Albert Ellis et Romel Kyoto. J'en attendais beaucoup plus. Je crois pour qu'il ait le plus produit, ça leur aurait manqué un Éric Thérèse avec Léon Duras. Mais un seul point positif, c'est la défense. Il a seulement encaissé 2 buts dans la compétition, un face au Mexique et un face au Costa Rica. Personnellement, pareil, le Honduras, c'est ce qu'on disait avec Nico un peu lors du dernier podcast de l'année dernière. On a l'impression que cette équipe d'Honduras a un peu régressé avec les années, depuis 2014, depuis sa phase de poule en Coupe du Monde, et on a l'impression qu'elle a un peu régressé. Elle est très très portée sur la défense. Et personnellement, ça me fait un peu penser finalement à ce que propose le Costa Rica, mais avec les individualités en moins. Donc, tu vas un peu moins loin. Mais au niveau du jeu, ouais, c'est à peu près la même chose. Très solide, hein, comme Anthony l'a dit. La défense, c'est leur meilleur atout. Et devant, c'est un peu triste. D'ailleurs, le match d'ouverture de cette Gold Cup, me semble-t-il, c'était Costa Rica-Honduras, si je ne dis pas de bêtises. Le premier match d'ouverture, et voilà, c'est un match qui est tristouné, qui se finit sur un pauvre 1-0 pour Costa Rica, mais c'est triste parce que les deux équipes ne proposent rien au niveau du jeu, et finalement le Honduras s'en sort bien malgré le fait qu'il ne propose rien. D'ailleurs, le Canada, me semble-t-il, les bat, hein, si je ne dis pas de bêtises. 0-0 pardon, 0-0 entre Canada et l'Honduras, et le Honduras se qualifie pour le classement des meilleurs 3e, hein. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai fait une petite boulette, c'est parce qu'ils sont troisième et ils font partie des meilleurs troisièmes, donc ils sont en quart de finale. Faveur donc d'une sanction contre la Guyane française et d'un match perdu sur tapis vert. Mais d'ailleurs, on va reparler de la Guyane française, je vous demanderai un peu qu'est-ce qui s'est passé après, mais juste pour parler d'eux quand même aussi, parce qu'ils ont fait un quart de finale. Le Salvador, ça a été une équipe intéressante, où ils sont un petit peu là comme le Honduras par défaut, parce que les meilleurs troisièmes sont qualifiés. Pour moi, le Salvador, ils sont là surtout parce qu'ils sont dans le... Ils ont un groupe relativement compliqué, parce qu'il y a le Mexique et la Jamaïque devant, mais après, il y a Curaçao, c'est comme ça qu'on prononce ça ? Curaçao. Et voilà, qui est un peu la victime préférée de tout le monde dans ce groupe-là, hein, puisqu'ils perdent quand même 2-0 face au Mexique, ils perdent également 2-0 face à la Jamaïque et 2-0 face au Salvador, donc ils n'ont pris que des 2-0. Donc le Salvador est un peu là, est un peu le moins pire, on va dire, ce groupe C. D'ailleurs, comme la Martinique, hein, qui a se qualifié devant le Nicaragua, c'est un peu la même chose, et pareil d'ailleurs pour le J'allais en parler après le Salvador, la Martinique. Après, dis-moi sur le Salvador, termine. J'avoue que ce système de mer troisième me pose un peu des problèmes, parce que tu peux ne pas être bon en, en poule, c'est possible. Mais enfin, c'est ça la beauté justement de la phase de groupe, c'est que bah, si tu es mauvais durant cette, il faut pas être, bah, t'as trois matchs, il faut les gagner quoi. T'as pas le choix. Là, du coup, tu peux te permettre bah, d'être très très moyen en phase de groupe et t'es encore qualifié pour les quarts. Du coup, ça rabaisse un peu finalement le quart final si t'es meilleur troisième. Enfin, je sais pas si vous comprenez un peu ma Oui, pensée, mais Et toi, Anthony, qu'est-ce que tu as pensé du Salvador? Ben moi, le Salvador, ils m'ont pas surpris, mais ils m'ont pas déçu, puisque à pratiquement chaque Gold Cup, c'est soit une élimination en groupe ou encore. Donc, ils ont pas mal été sur la même longueur d'onde que les derniers Gold Cup. Et ils ont perdu encore face aux favoris de la compétition et le grand gagnant, les États-Unis. Donc, j'ai rien à redire sur cette élection. Salvador, voilà, donc Salvador, on va dire un petit peu à son rendez-vous, fidèle à lui-même. Mais voilà, donc on parle de Honduras, c'est Salvador qui a été qualifié à la faveur, comme tu l'expliquais, Grégory, de ce système des meilleurs troisièmes, au contraire de la Martinique, qui ne s'est pas qualifié tout en terminant troisième, et qui aurait même pu l'être, on imagine, si Honduras avait fait un mauvais résultat contre la Guyane française, s'il n'y avait pas eu ce problème de match perdu sur tapis vert. La Martinique qui a fait un bon tournoi selon vous quand même, je me souviens. Alors voilà, moi je vais vous dire, j'étais en vacances donc aux États-Unis et c'est le seul match que j'ai vu dans un bar le États-Unis-Martinique et qui était un match complètement fou où les États-Unis ont mené, leur Martinique est revenu, puis voilà, c'était un match complètement fou et les États-Unis sont imposés dans le Money Time 3-2, mais la Martinique a montré de très belles choses, ma foi. Donc, ça a été une belle équipe, la Martinique, pour vous? Oui, ben ils peuvent être très fiers de leur parcours, mais malgré une élimination en phase de groupe, parce que c'est quand même seulement leur cinquième Gold Cup, leur cinquième prestation à la Gold Cup. Et il y a eu une belle victoire de 2-0 face au Nicaragua. Que, dans le fond, le troisième de ce groupe-là, c'était soit Martinique ou Nicaragua. Je crois que le Nicaragua avait plus d'expérience, mais la Martinique est quand même réussi à gagner. Et ça a passé bien proche qu'ils passent, comme tu viens de dire, en quart de finale, s'ils auraient résisté en fin de match face aux États-Unis. Mais c'est très bien parce que ils ont fait un très bon match parce qu'ils sont quand même revenus de l'arrière à 2-0 pour revenir à 2-2. Donc, on voit que cette équipe-là a une belle combativité dans les rencontres et qu'elle n'abandonne jamais. Parce que plusieurs équipes à 2-0 face aux États-Unis auraient craqué mentalement et ça l'aurait fini 4-0, 5-0. Donc, j'ai vraiment aimé ce que les hommes de Jean-Marc Kivo ont fait. Mais juste, Anto et Simon, j'aimerais bien revenir sur ce système de meilleur troisième. Vous ne trouvez pas ça un peu dommage finalement de qualifier les troisièmes pour les quarts de finale parce que par exemple vous voyez le Canada qui finit deuxième de sa poule et qui s'arrête en quart de finale et bien finalement s'arrête au même niveau que le Salvador ou que le Honduras en quart de finale alors que pour moi le Canada est une plus grande satisfaction au niveau de ce qu'on a vu sur le terrain que les équipes précédemment citées. Est-ce que vous trouvez pas ça dommage? Je vois, j'entends ce que tu dis, je comprends ce que tu dis, mais après c'est une question de question de système. Si tu fais une compétition à trois poules de quatre et que tu qualifies que les deux premiers, tu te retrouves avec trois équipes donc des tiers de finale. Je ne sais pas si ça existe. Et c'est un peu bizarre comme système. Ou alors faudrait faire les premiers qui sont les deux meilleurs premiers qui sont qualifiés directement pour les demi-finales. Tu vois. C'est un peu bizarre, donc t'es un peu forcé de faire ce système à trois. La solution, ce serait d'étendre la Gold Cup à plus d'équipes et faire comme l'ancienne version de la Coupe d'Europe des Nations, quatre groupes de quatre équipes, par exemple, et du coup inviter plus d'équipes. Mais je crois qu'à ce moment-là, avec 16 équipes, la Gold Cup perdrait vraiment en qualité, là, parce qu'on a vu que des équipes telles que la Guyane française ou le Nicaragua. Ça suit pas les autres équipes. Là. Il y a vraiment deux niveaux dans la CACAF. C'est soit, j'allais dire pitoyable, pas pitoyable, là, plus difficile, et il y a vraiment une domination de 3-4 nations. C'est... Pitoyable. L'adjectif est puissant quand même. Alors là, qualifier Pitoyable. Waouh. J'espère qu'il n'y a pas de Guyanais ou de Nicaraguayens qui nous écoutent. Surtout des Nicaraguayens, parce que tu vas te faire défoncer à Québec. S'il y a une communauté nicaraguayenne à Québec, il y a la mafia qui va arriver. Fais attention à toi. Et allez, on tourne dans les clichés. C'est parti. Oui, bon, c'est un autre débat. On peut parler de clichés, mais parfois les clichés, une sorte de choses vraies, malheureusement. J'en dis ce que voilà. Bref, je dis ça, je dirais. Et ben, ma foi, tu as parlé de pitoyable et tu as parlé de la Guyane française, Anthony. Qu'est-ce qui s'est passé avec la Guyane française? Ils ont été sanctionnés d'un match perdu sur tapis vert contre l'Honduras. Pourquoi? La Guyane. Tu as dit Nicaragua, mais c'est la Guyane qui a été. J'ai dit Nicaragua. Mais je voulais dire la Guyane. Pardon, je voulais dire la Guyane française. Excusez-moi, pas le Nicaragua. La Guyane française, donc, qui a été sanctionnée d'un match. Alors pourquoi? La question reste la même. Pourquoi? Ben, en fait, c'était leur première participation et je crois qu'ils ont voulu faire en grand en invitant un grand joueur des années 2000, Florent Malouda. Seulement, la Guyane française insistait pour le mettre dans le 11 partant et la CONCACAF était pas trop pour l'idée. Seulement, ils ont intégré Malouda face au Honduras et ça avait été un bon match que la Guyane française avait remporté son premier point en histoire de la Gold Cup. Mais voilà, la CONCACAF n'avait pas eu le match sur tapis vert, la Guyane avait accroché le Honduras. Ouais, c'est ça. Donc, ça aurait fait un point. Donc, on le répète, la Martinique serait passée. Oui, c'est ça. C'est ça la controverse. C'est que une équipe qui ne méritait pas une place encore, le Honduras, a passé tout de même contre belle performance. Alors, pourquoi Flo Malouda a été interdit de jeu contre le Honduras? Est-ce que c'est par rapport à la règle des sélections dans le sens où il avait déjà eu des sélections en équipe de France? Ouais, c'est ça. En fait, le point de la Guyane, c'est que vu qu'il n'était pas de la FIFA, pouvait le sélectionner. Mais vu que la CONCACAF s'est réglementée par la FIFA, Florent Malouda était non éligible selon eux, vu qu'il avait fait plusieurs sélections avec la France. Mais c'est étonnant, ça doit être une règle un peu nouvelle, parce que je me rappelle qu'il y a de ça une bonne dizaine d'années, quelque chose comme José Angloma, par exemple, avait joué pour la Guadeloupe, et d'ailleurs, un super parcours avec la Guadeloupe, alors que José Angloma a été international français dans les années 90. Donc, il y a eu jurisprudence, envie de dire, il y a une règle qui est passée depuis. Il n'y a pas eu réellement de règle, mais et d'ailleurs, la Guyane française s'est basée sur ce cas-là pour expliquer que Florent Malouda pouvait jouer, mais la CONCACAF en a pensé autrement. Et d'ailleurs, je crois que s'il aurait eu une règle pour ça, la Guyane n'aurait pas tenté le coup avec Florent Malouda. Bon, enfin, c'est quand même hyper bizarre cette histoire, parce que vous êtes bien d'accord que quand tu vas à une compétition, une compétition internationale, que tu sois à la Guyane ou quoi que ce soit, tu dois savoir si tu peux faire, si tu peux sélectionner ce mec. Comment ça se fait que la CONCACAF n'ait pas prévenu la Guyane française au moment où on donne la liste des 23, parce que vous êtes obligé de donner la liste des 23 à la CONCACAF. Donc, quand ils transmettent la liste des 23, pourquoi est-ce que personne ne leur a dit que Malouda n'avait pas le droit d'y être? Et dans ce cas-là, vous acceptez pas Florent Malouda, vous l'instaurez pas dans le groupe de la Guyane. Il y a personne qui a dit à la sélection guyanaise qu'ils n'avaient pas le droit de faire jouer Malouda, alors qu'ils ont officialisé et qu'ils ont donné la liste des 23. Bon, c'est ça qui me choque. Ou alors on leur a dit et finalement ils n'ont pas écouté ce qu'on leur a dit. Mais là, il y a forcément un élément qu'on n'a pas. La Guyane ne peut pas faire jouer un joueur qui est interdit et la CONCACAF ne peut pas dire à la. Moi, je conçois pas qu'une fédération comme ça internationale n'est pas prévenu une équipe qui participe à son tournoi que tel joueur avait pas le droit de jouer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Clairement, il y a un vice de forme, qu'il soit de la part de la CONCACAF ou de la Guyane, s'ils ont été avertis qu'ils ont choisi de continuer avec Florent Malouda, clairement, il y a un vice de forme assez cadabrantesque, assez fou, surtout si c'est de la part de la CONCACAF. Et puis surtout, il y a grosse polémique parce que les équipes lésées, là, il y en a quoi. La Guyane française peut concrètement se sentir lésée et la Martinique peut se sentir lésée parce que, comme on l'a dit, ils ont fait une compétition plutôt correcte, voire très correcte, et ils auraient, sans ce problème-là, les résultats, vrais résultats, auraient fait qu'ils seraient passés en quart de finale, ce qui aurait été une chose historique, d'ailleurs, il me semble, pour la Martinique. Après, je ne suis pas commenté, je n'ai pas suivi ce dossier de très près, mais je ne suis pas sûr que la Guyane ait protesté pardon, très fortement sur ce dossier, si. Ouais, ben, quand même, oui, mais c'est juste que quand la CONCACAF te déclare forfait, même s'il protesterait sans cesse jour et nuit, la décision venait d'en haut et il ne pouvait pas faire autrement. Là. Mais c'est sûr que... Il y avait un peu de résignation de la part de la Martinique et d'ailleurs de Sagel, je trouve, qui savait que réclamer ne servait à rien, que c'était fait, la décision était prise et voilà. C'est juste qu'il savait aussi les risques qu'il prenait en l'intégrant dans la formation pour le match face au Honduras. Là. Et ils ont simplement fait, on sait qu'on n'a pas le droit, mais on veut le mettre quand même parce que c'est notre joueur emblématique. C'est très grave parce que ça veut dire que tu fais jouer un joueur qui n'a pas le droit de jouer. Tu sais très bien que en fait tu prends des risques pour rien du coup parce que là en plus ils prennent un point sur le match sur les 90 minutes et finalement ils vont perdre sur tapis vert parce qu'ils ont décidé de pas suivre la règle. Donc finalement c'est de l'amateurisme un peu. La Guyane a fait ça pour ça en effet. Ouais, la Martinique peut vraiment se sentir lésée parce qu'il fausse la Guyane fausse le championnat. Mais quoi qu'il arrive d'ailleurs, Anthony, Grégory. Quoi qu'il arrive, même si la Guyane a décidé de passer au-delà d'un avis contre la titularisation de Florent Malouda, la CONCACAF est tout de même fautive puisque de toute façon, c'est tout simplement dire que le joueur n'aurait tout simplement pas dû être qualifié à la base. C'est sûr. Non, exactement. Quand tu donnes ta liste à 23, tu dois réagir, quoi. C'est pas normal. Affaire à éclaircir, donc. Et ma foi, bah, on en a terminé avec cette Gold Cup qui aura quand déjà même de belles choses. Et oui, déjà, mon Greg, je vais terminer avant de terminer. On va terminer un petit peu sur vos coups de cœur. Dites-moi rapidement quels sont. Allez, donnez-moi 3 coups de cœur chacun. Voilà, si vous avez, allez, une équipe, un joueur et un match. Voilà, chacun. Une équipe, un joueur et un match. Un joueur, moi je vais commencer hein, parce que je vais laisser Anthony réfléchir. je vais commencer le joueur clairement Brian Ruiz parce que même si le Costa Rica est limité pitoyable dans le jeu, c'est encore le meilleur joueur techniquement, il régale, c'est vraiment un numéro 10 à l'ancienne comme on les aime. Il prend le ballon au pied, c'est lui le régulateur du jeu, il avance, il donne le rythme, ça va vite, ça va, on redescend vite contre le ballon. C'est vraiment le joueur pour moi de cette équipe du Costa Rica et peut-être l'un des plus techniques et peut-être l'un des meilleurs de ce tournoi. Avec Kim Dempsey, je pense que ça se joue. Pour l'équipe, c'est dur de pas dire la Jamaïque. J'aimerais bien dire le Canada, mais je vais le laisser en Anthony. Mais évidemment, la Jamaïque qui fait finale, qui fait ce coup-là, effectivement, tu ne peux pas passer à côté. C'est obligé d'être ton coup de cœur. Et ensuite, un match, je pense que le Martinique-USA, c'est le match de la compétition. Hein, donc, je pense que en face de groupe, le 3. Ouais, c'est vrai. Je suis verni. c'est le seul match que j'ai vu. Ça, c'est génial. C'est très bon, ça. Donc ça je confirme, c'était un super match. Et moi j'ai vu un très très beau match. Et parfois on pense que la CONCACAF est un parent pauvre du faute du football. Quand tu regardes ce qui a été montré pour ce match-là, c'était quand même super sympa à voir. Et toi Anthony, alors du coup tu as eu le temps de réfléchir. Un joueur, une équipe, un match. Pour moi le joueur c'est l'attaquant de la Martinique qui a fini comme meilleur buteur, Kevin Parsemin. Parce que ce joueur-là est désormais, il joue amateur en Martinique. Donc, on pourrait penser qu'il n'a clairement pas le niveau. Mais finalement, il a créé un exploit et a fini co-meilleur buteur. J'ai trouvé des beaux buts. Mon équipe, C'est, je suis pas très original, mais c'est le Canada. Attendez, ça c'est pas vrai. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Il a fait un résultat dans la Gold Cup pour une première fois depuis 2009 avec un sélectionneur qu'ils avaient pu côtoyer juste un match avant la compétition. Donc c'est quand même incroyable. Et mon petit côté MLS pour le match que j'ai préféré, c'est la finale USA-Jamaïque. Je sais que encore une fois, c'est pas très original de dire comme coup de cœur une finale, mais voir un jeune comme Jordan Morris qui évolue depuis tout jeune avec Seattle, voir que son mentor Clint Dempsey avec lui sur le terrain, que c'est lui qui offre la victoire aux États-Unis, c'est juste incroyable comme scénario pour les États-Unis. D'accord, ben, tu sais, au contraire, hein, j'ai envie de te dire que dans la plupart des cas, la finale est rarement le meilleur match d'une compétition. Et que, bon, c'est un match historique de fait parce que c'est elle qui scelle le sort du tournoi, mais il est très rare qu'une finale soit élue meilleur match de la compétition. Donc si tu c'est une originalité à mes yeux. Voilà, voilà. La finale de ce tournoi est un des matchs les plus marquants. C'est le match le plus marquant de cette compétition. Eh bien, merci, monsieur, messieurs. Merci, merci Anthony. Merci, Grégory, de nous avoir éclairé sur cette Gold Cup 2017. Qui a une dernière question. Un bon cru. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Ça a été une belle Gold Cup. C'est vrai. Bon, c'est parfait. Globalement, là. Alors, il y a eu plusieurs déceptions, plusieurs surprises. Mais il y a eu des. Voilà. C'est magnifique. On a vibré avec cette Gold Cup. On a vibré. Moi, j'ai vibré qu'un match, peut-être, dans un bar de Manhattan. Mais du coup, je suis content d'avoir vu ce match-là. Je suis honnêtement content. Merci, messieurs. On se retrouve bientôt tous les trois, chacun, c'est pas vraiment, enfin, on s'en fiche. Anto pour parler de la MLS, Greg pour parler du championnat du Costa Rica. Qui a commencé très fort déjà. Qui a commencé très fort. Avec des polémiques, avec tout ce qu'on aime. Ouh là là là là, le football latino comme on l'aime. Et ma foi, bah, mes chers auditeurs, on va pas rester un mois sans s'écouter, sans se voir, mes chers auditeurs. Cette fois, on sera à l'antenne plus souvent et avec plein d'autres championnats du monde entier. Merci à tous. Merci encore une fois, Anthony et Greg. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Merci. Et je vous dis à la prochaine. Salut à tous.